même en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Les orques vieillissent et s'essoufflent face à une relève qui en a rien à foutre. Y'a que dalle d'endroits pour faire les concerts. Tous ces les grandes salles avec des putains de villers. Des vieilles divars, même plus qu'à trop le souci. Avec les voisins qui se baignent pour colonie. Y'a loin de moi le festoche, mais la free party elle partout. Non mais y'a pas un truc qui cloche. On a les mêmes idées après tout. Techno, techno, gonna, techno, techno.